Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 25 août 2022. Voici les grands titres de cette édition. Le ministère des Relations extérieures a présenté ce jeudi les conditions exigées à toute agence privée désirant recruter et former des travailleurs migrants vers l'étranger. Éclairage avec le porte-parole de ce ministère dès le début de ce journal. Et les cas de vol incessants commis par les enfants en situation de rue dans différents coins de la ville de Bujumbura ont fait l'objet d'une réunion organisée ce mercredi par l'administrateur de la commune Mukaza. Les détails dans ce journal. Cette personne de la commune Kabarole est accusée de fraude des minerais écope d'une servitude pénale allant de 5 à 10 ans et une amende variant entre 5 et 10 millions de francs burundais. Ainsi, on a décidé ce mercredi le tribunal de grande instance de Kayanza, siégeant en procès de flagrance. Et dans le reste de l'actualité africaine et internationale, les États-Unis vont restituer au Nigeria 23 millions de dollars de la fortune de l'ancien président de ce pays, Sani Abacha. Et le bilan du bombardement russe qui a frappé mercredi soir une gare ferroviaire dans le centre de l'Ukraine est monté à 25 morts, dont 2 enfants et 31 blessés. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi l'opérateur des trains ukrainiens. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. Le versement sur les comptes de la Banque centrale, la BRB, d'une somme de 150 millions de francs burundais et le dossier de demande d'autorisation de travail comprenant la lettre de demande de la licence adressée au ministre des Relations extérieures. Voilà quelques-unes des conditions exigées à toute agence privée désirant recruter et former des travailleurs migrants vers l'étranger. Ceci ressort d'une déclaration du ministère du 8 août de l'année en cours rendue publique aujourd'hui par son porte-parole. Sonia Niyubahwe explique également que le ministère des Relations extérieures devra fournir une fiche d'identification à chaque recrue migrant avant son départ. Suivez plutôt le porte-parole du ministère des Relations extérieures dans ses propos recueillis par Evariste Nzikobanyana. Une agence dont le dossier de demande d'un certificat de licence est approuvé doit verser un montant de 100 millions de francs burundais sur le compte du Trésor public numéro 5C10003 ouvert à la Banque de la République du Burundi, BRB, pour sa licence intitulée sous-compte de transit des recettes non fiscales de l'Office burundais des recettes, OBR en sigle, avec mention achat de licence pour le recrutement des travailleurs migrants burundais. De la validité du certificat de licence, le certificat de licence a une validité de 2 ans renouvelable, moyennant paiement de 50 millions de francs burundais sur le même compte mentionné au point A2, ça veut dire le compte numéro 610003, vers la BRB de la fiche d'identification. Avant le départ de chaque recrue migrant vers l'étranger, une fiche d'identification est retirée par l'agence d'emploi privé au ministériel des affaires étrangères dans ses attributions. La dite fiche doit être complétée par le concerné et remise au dit ministère afin d'être scellée à sec, moyennant présentation du dossier constitué d'un extrait de casier judiciaire, du contrat de travail, du visa obtenu, du billet d'avion, d'un document médical, ainsi que d'un bordereau de versement de 100 000 francs burundais sur un compte ouvert à la BRB mentionné. Toute agence désireuse d'exercer des activités de recrutement des travailleurs migrants burundais vers l'étranger doit être de droit burundais et devra former ces travailleurs et leur trouver de l'emploi exclusivement dans les pays ayant conclu des accords bilatéraux avec le Burundi en matière d'échange de la main-d'œuvre. Sonia Niyubahwe, c'est la porte-parole du ministère en charge des relations extérieures. Les cas de vol incessants commis par les enfants en situation de rue dans différents coins de la ville de Bujumbura sèment la panique au sein de la population urbaine. C'est l'une des préoccupations des habitants des quartiers asiatiques, Hero Hero. telle que soumise à l'administrateur de la commune Mukasa ce mercredi lors d'une réunion d'évaluation de la situation sécuritaire dans la commune de Mukasa. Renova Sindai Hebura a répondu que la question des enfants en situation de rue est traitée par la police et le ministère de la Solidarité nationale. On fait le point avec Jean-Marie Mayonga. Dans cette réunion, certains des habitants du quartier asiatique et Hero ont soulevé des questions. Les enfants en situation de rue qui sont observés en grand nombre dans différents coins de la ville. Ces habitants ont signalé que ces enfants commettent des dégâts comme le vol des biens des citoyens. Ces enfants créent du désordre quand les gens sont en train de manger. Pour les chasser, ce n'est pas facile, craignant qu'ils vont lancer des pierres sur les vitres. Ces enfants vraiment nous font peur. Nous ne savons pas où ils trouvent les objets tranchants qu'ils ont sur eux. Ils font peur de plus qu'un militaire qui a un fusil. Nous vous prions beaucoup de voir comment intervenir. Cet habitant du quartier asiatique a dit que le manque d'électricité dans leur quartier fait que les voleurs profitent de l'obscurité pour dépouiller les biens aux gens qui passent dans les rues de ce quartier. Pour l'éclairage, des fois, les ampoules se détériorent. Nous subissons beaucoup de pannes. Veuillez plaider pour nous à la régie des eaux afin qu'elle intervienne à temps. Le Nova Sindai Hebura, administrateur de la commune Mukasa, sur la question des enfants en situation de rue, a répondu que cette question est dans les mains du ministère de la Solidarité nationale et que ces enfants sont en train d'être déplacés vers les centres d'éducation. On a conclu que dans le cadre de renforcer la sécurité et la tranquillité de cette localité, il faut que la police continue à faire le rafle et à rassembler tous les enfants tel que recommandé par le ministère de l'Intérieur ainsi que le ministère qui est en charge des affaires sociales, rassembler tous les enfants dans la rue pour les amener dans les lieux où ils seront éduqués, là où ils auront une formation afin de les rapatrier dans leur ménage ou dans leur famille. Quant à la question du manque d'électricité dans ce quartier asiatique, l'administrateur de la commune Mukasa a interpellé aux habitants de ce quartier de tout faire pour que l'éclairage soit disponible partout dans les rues de ce quartier. Dans cette réunion, les intervenants sont revenus sur le caniveau dans lequel les voleurs traversent après avoir volé les biens des citoyens. Et ce caniveau se trouve en face de la librairie Saint-Paul. Renova Sindai Hebura a dit qu'ils vont tout faire pour voir comment bloquer ce caniveau et un délai d'une semaine a été donné. Captez Isanganilo, écoutez la différence. 13h03 à Bujumbura et sur Isanganiro, parlons maintenant environnement. La déforestation présente un impact négatif sur les sols cultivables. Une précision du directeur général de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, Berkimansa Tungimana, ajoute que ce phénomène a aussi un effet sur le changement climatique. Ce responsable trouve que la protection de l'environnement mérite une synergie des partenaires. Bon, la déforestation sur les sols cultivables, donc, n'est pas à démontrer, puisque, comme vous le savez, si on prenait par exemple, dans les années 80, il y a là où on n'avait pas besoin, donc, de mettre, donc, du fumier, puisque le sol était protégé, les pluies venaient, donc, en temps réel. Mais pour le moment, vous savez, si on ne parvient pas, donc, à fumer, donc, le champ, on ne va rien les corroter. Donc, ça, c'est ce, donc, les effets, donc, de la dégradation du sol, c'est ce, donc, les effets, donc, de la dégradation, donc, des forêts. Vous savez, quand il y a dégradation, donc, de la forêt, même les vers de terre qui nous aident, donc, à retravailler, donc, la terre, ils périssent. Donc, s'ils périssent, même si vous fertilisez, donc, vos champs, que les vers de terre qui avaient, donc, une tâche importante pour retravailler, donc, le sol, faire, donc, le mélange, donc, du fumier avec le sol, ils n'ont pas donc cette activité. Donc vous comprenez que quand il y a donc déforestation, il y a beaucoup de conséquences sur les cultures. Aussi, vous savez qu'avec donc la déforestation, il y a perturbation donc de l'environnement. Quand il y a perturbation donc de l'environnement, il y a aussi et les pluies aussi donc sont perturbées. Donc vous allez voir que des fois il y aura donc des pluies violentes. Des fois il y aura donc une irrégularité donc des pluies. Donc tout ça, ce sont les conséquences pour nos cités qu'elles seront. C'était Hatungimana Berkman, c'est le directeur général de l'Office burundais pour la protection de l'environnement. Isanganiro, la radio de l'avenir. Une servitude pénale de 5 à 10 ans et une amende allant de 5 à 10 millions de nos francs, c'est la peine prononcée par le tribunal de grande instance à Kayanza contre cette personne de la commune Kabarore accusée de fraude des minerais de type coltan. C'était dans l'après-midi de ce mercredi dans un procès de flagrance. Apparemment, Patrick Nsengiyumva est en ligne depuis Kayanza. Patrick, est-ce que vous pouvez nous donner des détails? Dans ce procès de flagrance de l'après-midi de ce mercredi, le ministère public à Kayanza a porté plainte contre Miburu Origine, Ukuru Venancy et Chiza Specios et trois femmes attrapées en flagrant délit dans la nuit de ce dimanche avec des minerais sous leurs vêtements au niveau de la colline Kivuvu en commune Kabaro de la province Kayanza. Dans son même réquisitoire, l'officier du ministère public à Kayanza a accusé quatre hommes dont Matheson Jean, Vuyekure Thomas, Sotel et Twagiraïse Emmanuel d'être des auteurs intellectuels du crime. Parmi ces quatre accusés, deux seulement ont comparu devant le tribunal et deux autres ont pris fuite la nuit du dimanche et restent jusqu'aujourd'hui introuvables, d'après cet officier du ministère public à Kayanza. Tous ces prévenus ont été accusés par le ministère public d'atteinte à l'économie nationale dans la vente frauduleuse des minerais et a requis à ces femmes une peine de prison fermée de 5 ans et une amende de 10 millions de nos francs chacune. Et à ces quatre hommes, c'est une peine de 10 ans et une amende de 10 millions chacun. Ces trois femmes ont plaidé en aveu au moment où ces deux hommes qui ont comparu ont plaidé non coupables. Après la mise en délibéré du procès, le tribunal de grande instance de Kayanza a puni les trois femmes par une peine de prison de 5 ans et une amende de 5 millions de nos francs. Et ces deux hommes ayant comparu devant le tribunal parmi ces quatre accusés ont été punis par une peine de prison de 10 ans et une amende de 10 millions chacun. Au terme du procès, le tribunal de grande instance a ordonné, le tribunal de grande instance de Kayanza a ordonné également la vente aux enchères de ces minerais saisis et que l'argent obtenu sera mis dans le trésor public. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganilo. Merci Patrick Nsengiyumva, il est 13h07 à Bujumbura et sur Isanganiro, nous ouvrons la rubrique internationale de ce journal. Actualité internationale. Le procureur de la Cour pénale internationale Karim Khan a affirmé mercredi avoir obtenu une promesse de coopération totale de Khartoum dans le dossier du Darfour, vaste région de l'ouest du Soudan où les violences ont fait des centaines de milliers de morts. Le Darfour a été ravagé par une guerre civile qui a débuté en 2003 entre le régime à majorité arabe d'Omar el-Béchir et les insurgés issus des minorités ethniques dénonçant des discriminations, rappelle RFI. Béchir avait envoyé la milice armée des Janjaouides pour mater la rébellion. Il a depuis été renversé en 2019, puis emprisonné et reste sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI, tout comme d'autres figures de l'ancien régime pour crimes contre l'humanité et génocide au Darfour. Et les États-Unis ont accepté de restituer au Nigeria une nouvelle tranche de 23 millions de dollars provenant de l'argent qui aurait été pillé et caché à l'étranger par l'ancien chef militaire nigérian Sani Abacha qui a dirigé le Nigeria de 1993 à 1998. Et cela fait partie d'un accord scellé mardi dans la capitale nigériane, Abuja, entre les deux pays. En 2020, les États-Unis avaient restitué plus de 300 millions de dollars aux pays d'Afrique de l'Ouest. Le général Sani Abacha, décédé alors qu'il était en fonction en 1998, était accusé d'avoir volé des milliards de dollars de fonds publics et de les avoir cachés en Europe et aux États-Unis. Ces dernières années, le gouvernement nigérien a obtenu le déblocage d'une partie du butin de plusieurs pays, dont la Suisse, la Grande-Bretagne et les États-Unis, selon nos confrères de BBC Afrique. Et hors du continent africain, le chef de la police nationale au Japon, Hitaru Nakamura, a annoncé ce jeudi avoir présenté sa démission après avoir reconnu des défaillances dans la protection de l'ancien premier ministre Shinzo Abe, assassiné le 8 juillet lors d'un meeting électoral. Lors d'une conférence de presse, Nakamura a expliqué qu'ils ont décidé de réorganiser leur équipe et de repartir sur de nouvelles bases en ce qui concerne leur mission de sécurité. Et c'est pourquoi il a proposé sa démission. Enfin, le bilan du bombardement russe qui a frappé mercredi soir une gare ferroviaire dans le centre de l'Ukraine est monté à 25 morts, dont 2 enfants et 31 blessés. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi l'opérateur des trains ukrainiens. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait annoncé cette frappe de missile russe mercredi soir au début de son discours par vidéo devant le Conseil de sécurité de l'ONU en faisant état d'un premier bilan de 22 morts. De retour de l'Ukraine, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres,